Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Un jour, il ou elle a pris un petit bout de bois et l'a fait tourner entre ses mains au-dessus d'un autre petit bout de bois et à force de friction, la magie opéra. Il ou elle a fait du feu. Ce jour-là, l'homme ou la femme fit de la fumée qu'il envoya dans les airs avec des gaz de combustion et des particules en suspension. Était-il déjà question de pollution ? Sans doute pas, puisque la pollution implique une nuisance, une gêne. Éventuellement, il y a pollution si le feu est allumé dans la caverne, quand la fumée fait tousser et qu'elle pique les yeux. Un autre jour, il ou elle, sans doute il, a pris un bâton, il est parti à la guerre. Là encore, pas de pollution. Un bâton, ça n'empoisonne personne. Depuis, les choses ont bien changé. Et les fumées produites par les sociétés industrielles ont contaminé l'air. Quant aux guerres, toujours plus violentes, elles s'invitent dans cette danse macabre. D'ailleurs, la guerre et les industries qui la soutiennent ne seraient-elles pas la matrice de toutes les pollutions, cette pollution qui détruit notre environnement à petit feu ? Nous terminons notre semaine consacrée à l'homme confronté à son environnement et à son art de l'abîmer, avec, après avoir écouté l'appropriation de la nature par les hommes et la colonisation des savoirs sur les plantes médicinales, tout ça c'est à réécouter sur le cours de l'histoire, en podcast ou sur le site internet franceculture.fr. Aujourd'hui donc nous partons à la guerre non pas contre la pollution, à essayer de comprendre comment la guerre peut générer de la production, de la pollution et détruire notre civilisation. Avec aujourd'hui Thomas Leroux, historien chargé de recherche au CNRS et membre du groupe de recherche en histoire environnementale. C'est une équipe du centre de recherche historique de l'école des hautes études en sciences sociales. Thomas Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes un auteur de La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel avec François Jarige. C'est un livre qui a reçu, c'était l'année dernière, le prix Augustin Thierry au rendez-vous de l'histoire à Blois. Bravo. Merci. À Blois où nous serons, nous également, ce sera dans quelques semaines. Et avec nous également Nicolas Rouillet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et vous avez tiré de vos différents séjours en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, c'est une fiction, mais une fiction qui n'est pas si fictionnelle que ça. Ça s'appelle Timica. C'est un western papou, c'est le sous-titre, aux éditions Anacarsis. Et c'était en 2018. Et nous parlerons avec vous de ce que les papous ont subi, subissent encore, et comment ils sont confrontés à une destruction de leur environnement. Mais à la fin de l'émission, viendra Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Anaïs, bonjour. Bonjour, bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Anaïs, qui assure aussi la programmation de cette émission, va nous parler aujourd'hui, Anaïs, de quoi ? À l'occasion de la nouvelle vocation de Donald Trump de météorologue, comme vous l'avez tous entendu cette semaine, nous parlerons de bulletin météo et de politique. Ah, c'est bien ça, bulletin météo et politique avec Donald Trump, ça promet. À tout à l'heure, Anaïs. Mais pour le moment, nous allons faire un petit passage sur les bords d'un lac, un très beau lac, le lac de Gérardmer. Nous sommes dans les Vosges. Oh, quel beau paysage ! En 1982, France 3 Nancy consacrait un reportage à ce lac si joli, mais qui cache dans ses fonds un sinistre trésor. Ces engins de guerre que remontent les plongeurs des mineurs ne gênaient personne, si ce n'est les poissons, jusqu'à il y a quelques années. Les munitions dormaient à 20 mètres de fond, jusqu'à ce que des plongeurs autonomes les découvrent. Les deux opérations précédentes, de 77 et 78, avaient déjà permis de neutraliser 28 tonnes de munitions. Les démineurs estiment que 30 tonnes sont encore au fond. L'eau est claire, on arrive quand même à récupérer pas mal d'engins. En 3 semaines, disons qu'on espère en sortir une 20aine de tonnes. Après avoir été ramenés à terre, les munitions sont triées dans un endroit isolé. Les explosifs sont ensuite pétardés sur un terrain prévu à cet effet, près de Colmar. Une fois sèche, toute pièce est dangereuse. Après 60 ans d'immersion, ces engins de guerre peuvent encore tuer. Les explosifs sont pétardés. un verbe qu'on n'utilise pas assez. Thomas Leroux, vous avez écrit avec François Jarige. Oh là, vous avez écrit avec François Jarige La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel, c'est au seuil. Et vous êtes sans cesse en vigilance sur ces pollutions, notamment celles liées à la guerre. Disons-le tout de suite, ce sont des pollutions qui nous parlent encore aujourd'hui. Nous avons entendu un reportage de déminage. Nous avons encore sous nos pieds, au fond de nos lacs, de nos rivières, de nos mers, dans les océans, énormément de choses qui peuvent polluer notre environnement. Effectivement, on commence là à parler de l'héritage en fait empoisonné des guerres. En fait, en général, à la fin des guerres, on se retrouve avec des stocks de munitions, d'obus, de gaz de combat, etc., énormes, qui n'ont plus d'usage, a priori à court terme en tout cas. Et une des méthodes pour les éliminer, en fait, c'était de les stocker dans des décharges, soit sauvages, soit contrôlées. Certaines étaient évidemment sous contrôle. Et une des méthodes très fréquemment employées, c'était de les jeter dans des lacs ou encore plus dans la mer, en fait. C'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent on a l'image de la bombe qui n'a pas explosé, de l'obus que l'on retrouve dans la ville où il faut évacuer un quartier. Et en fait, non, il y a aussi de ces stocks gigantesques, parce que la guerre produit. Elle produit énormément, énormément d'obus qui ne sont pas utilisés. Vous avez parlé de gaz. Vous voulez dire qu'il y a encore donc des poches de gaz mortels qui sont dans nos océans, dans nos lacs et sous terre. Ce sont des munitions, effectivement, qui peuvent émettre du gaz, qui sont encapsulées, qui sont censées être étanches quand elles sont entreposées ou rejetées dans la mer. Après quelques dizaines d'années, c'est le cas de Gérard May, là, que vous avez diffusé, on voit que les contenants, en fait, s'érodent, se rouillent et commencent à diffuser par des fuites ces produits toxiques. Et alors, vous reliez évidemment l'industrialisation et la guerre, sachant que la guerre incite à l'industrialisation et que la guerre profite de l'industrialisation. C'est-à-dire que, bon, si on dit que l'industrialisation, c'est le 19e siècle, on peut parler d'une guerre qui s'industrialise en même temps, dès le 19e siècle ? Ah oui, tout à fait. L'industrie et l'activité militaire sont complètement liées, en fait, puisque, évidemment, l'armée a besoin de matériel industriel pour tuer, puisque c'est le but de la guerre, c'est de tuer et de détruire. Et vous avez parlé tout à l'heure de matrice des pollutions. La guerre est-elle la matrice de toutes nos pollutions ? Alors, je pense qu'il faut revenir justement à ce début du 19e siècle qui va être à la fois le début de l'industrialisation et le début des premières guerres vraiment de masse. Et conjointement, en fait, le début des premières grandes pollutions. Et quand vous parlez de matrice des pollutions, enfin, c'est nous qui en parlons avec François Jarige dans le livre, mais vous reprenez cette expression. C'est parce que, en fait, le régime de régulation des pollutions va complètement être bouleversé à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle par ce phénomène conjoint d'industrialisation et de guerre. Alors, je donne quelques exemples peut-être pour expliciter ce fait. Sous l'ancien régime, en réalité, les pollutions sont très faibles et elles sont très fortement et strictement régulées parce qu'elles sont attentatoires à la santé publique. Et de ce fait, comme les États ou les pouvoirs publics doivent préserver la santé de leur population, ces pollutions sont strictement réglementées. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, on a deux guerres très importantes. Hein, c'est la guerre d'indépendance américaine. Donc entre 1776 et 1783, et puis ensuite les guerres révolutionnaires qui vont ensuite se prolonger et redoubler avec les guerres napoléoniennes. L'ensemble de ces trois guerres qui sont en fait des premières guerres vraiment de quasiment de masse, puisque par exemple sous la Révolution française c'est la levée en masse, l'armée napoléonienne c'est plusieurs millions de soldats, etc. L'ensemble de ces guerres va transformer les régimes de régulation, parce qu'on peut bien comprendre que pendant les guerres, en fait, la priorité va à l'efficacité, à la puissance, à la volonté de victoire, et que les préconisations ou les mesures de prévention pour protéger les habitants ou l'environnement sont reléguées au second plan. Donc ça, c'est un premier point. Les régulations vont être transformées. Et certains produits vont obtenir des mesures dérogatoires du point de vue du droit et du point de vue donc de la possibilité de polluer l'environnement. Alors par exemple, on peut penser au cuivre, puisque le cuivre, par exemple, pendant la guerre d'Amérique, est très important parce qu'il permettait de doubler le carénage des bateaux. Sinon, les bateaux pourrissaient, enfin la coque des bateaux en bois pourrissait, donc il fallait les doubler de lames de cuivre. Et il se trouve que la production de cuivre, et notamment de cuivre laminé, était extrêmement polluante, puisque pour affiner le cuivre et lui donner toutes les qualités qui étaient nécessaires pour protéger ces bateaux, il fallait utiliser énormément d'acide. Et la production d'acide, donc acide nitrique, acide sulfurique, à cette époque, c'est vraiment... le début de la grande chimie industrielle était extrêmement polluante puisqu'elle rejetait dans l'atmosphère du dioxyde de soufre essentiellement ou d'autres composés acides qui se retombaient en fait sur le sol sous forme de pluie acide. On parle de pluie acide au XXe siècle, mais elles existent déjà autour des fabriques de la fin du XVIIIe siècle. On peut penser aussi à la production de divers produits chimiques, en fait, qui vont être nécessaires à la fabrication de tout objet de métallurgie. Et donc, en fait, pour résumer l'idée principale, hein, c'est que de la fin des années 1770 aux années 1810, les régulations ont été complètement transformées. C'est en réalité même un véritable changement de paradigme parce qu'on passe des régulations qui protègent la santé publique à des régulations qui protègent l'industrie et l'industrialisation. Parce que vous pouvez bien comprendre aussi que ces fabriques ayant été autorisées, elles ont engendré énormément de conflits locaux de voisins qui protestaient contre ces nuisances, que ces conflits ont abouti à des procès en justice, etc. Et que les industriels allaient être accusés à titre de délinquants, voire de criminels, hein, puisqu'ils étaient attentatoires à la santé publique, et qu'il fallait trouver, du point de vue des autorités publiques, finalement une solution forte et définitive pour... préserver les intérêts industriels et donc les intérêts de la puissance guerrière. C'est très fort ce que vous dites, Thomas Leroux. Donc, sous l'Ancien Régime, on a une conscience environnementale, ça, on le sait, et on fait attention à la santé. Et cette rupture majeure du début du 19e fait que l'industrie, on va dire, va gagner systématiquement face à la santé, face aux pollutions. Et c'est ce système qui se met en place dure. Perdure, jusqu'à aujourd'hui, même pour simplifier. C'est-à-dire que, dès lors, tout est donné pour faire que la guerre soit la plus efficace possible du point de vue des militaires. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus du tout de l'environnement et ces moments de guerre, je parle vraiment du moment de guerre où l'industrie est focalisée sur la guerre, sur le combat, fait que plus rien ne compte sinon produire et quels que soient les moyens, quelle que soit la manière. Oui, évidemment, puisque en temps de guerre, on est en mobilisation, donc mobilisation des hommes et mobilisation des matières. Et d'ailleurs, en 1810, hein, c'est le début des guerres, c'est l'empire napoléonien. En 1810, est prise la première loi mondiale sur les régulations environnementales et sur les pollutions. C'est le décret sur les établissements industriels insalubres et incommodes. 1810, c'est la première loi au monde. Elle est prise en France au moment des guerres. Et c'est pas un hasard. En même temps, 1810, c'est la loi sur les mines. On va reparler des mines tout à l'heure avec Nicolas Rouillet. Voilà, en fait, mines et guerres sont souvent aussi très très liées. Et c'est un moment où le pouvoir exécutif, en fait, impose une forme d'industrialisation puisque cette loi de 1810 sur les pollutions industrielles, qui a été considérée un certain temps, en tout cas dans l'historiographie, comme la première loi environnementale du monde. En fait, c'est une loi industrialiste puisque elle oblige les industriels à obtenir une autorisation de produire, mais cette autorisation va leur donner en fait en quelque sorte un chèque en blanc pour produire et polluer comme ils le veulent, puisque les contentieux vont être relégués maintenant à la justice civile et non plus à la justice pénale. Donc c'est vraiment un grand, grand changement de perspective. Et effectivement, ça dure jusqu'à nos jours, puisque le droit des pollutions, évidemment, il s'est complexifié, il s'est diversifié, et puis des nouveaux produits sont apparus. Donc, mais l'esprit de la loi de 1810, ensuite, va se répandre partout en Europe continentale, ensuite, et même en Europe outre-Manche, donc en Grande-Bretagne, et puis, y compris ensuite aux États-Unis ou dans les plus grands pays, dans les plus grands pays industriels. Donc, la loi, évidemment, elle va être adaptée, elle va être réformée, modifiée, mais l'esprit est toujours là. L'esprit, c'est un régime semi-préventif qui permet, en fait, de mettre l'industrie sous un contrôle administratif, et non plus de la laisser sujette à des procès en cour correctionnelle, par exemple, donc qui s'étend partout en Europe et qui, est finalement, de nos jours, reste la règle. Oui, on voit cette continuité, en fait, depuis le début du 19e siècle. Alors, c'est intéressant, vous avez raison, Thomas Leroux, de parler du 19e siècle, parce que il nous trouble, ça fait loin. Pour la Première Guerre mondiale, c'est une évidence. Pour la Seconde Guerre mondiale, c'est une évidence. Toute l'industrie est orientée vers la production militaire à un point ultime, au point de vouloir tout détruire. Exemple, après la Seconde Guerre mondiale, mais là nous allons au Vietnam. Et voilà ! Vous Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur? Quoi? C'est le napalm, fils. Il n'y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là. Allez, dégagez, dégagez, dégagez. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Une fois, ils ont bombardé une colline pendant 12 heures et après, je suis allé au résultat. On n'a pas retrouvé le moindre cadavre de Niak, rien, pas un seul. Seulement, cette odeur d'essence plein les narines sur toute la colline. Comme l'odeur de la victoire. Elle ne durera pas toujours, cette guerre. Elle a pourtant duré, cette guerre. Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. La guerre du Vietnam, une guerre que l'on imagine d'une violence inouïe grâce aux images. Nous avons les images et notamment grâce à l'utilisation de produits de déforestation. Et là, nous touchons à un élément qui nous parle directement, c'est la guerre chimique. C'est visible parce que les guerres ont quand même cet effet terrible de tuer des gens. Et l'on pense tout de suite aux pertes humaines. Donc l'environnement est mis de côté dans l'analyse. Là, pour le Vietnam, on l'a vu directement et c'est vrai que ça a provoqué une prise de conscience autour de ce que l'on a appelé une forme d'écocide, de destruction de la nature. Effectivement, on parle d'écocide pour la guerre du Vietnam parce que, alors là, l'extrait porté sur le napalm, mais la guerre du Vietnam, c'est aussi le déversement de centaines de milliers de tonnes d'agents orange, qu'on appelle l'agent orange, en fait, qui est un herbicide, puisque le napalm montrait des formes d'inefficacité pour combattre le Viet Cong dans les forêts vietnamiennes. Bah oui, parce que par les hélicoptères, on les voyait pas sous les arbres. Voilà, et donc le déversement d'herbicides aussi a été très largement utilisé pendant la guerre du Vietnam. On estime que 25% des forêts du Vietnam ont été détruites pendant la guerre du Vietnam et un tiers en fait des terres du Vietnam ont été contaminées en fait par cet herbicide durant cette guerre. Donc effectivement on peut parler d'écocide, mais ce n'est que la suite et la continuité de ce qu'on voyait déjà sous les guerres napoléoniennes, mais qui s'est renforcé par la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, puisque ce sont des guerres qui ont inauguré en tout cas, la Première Guerre mondiale, elle a inauguré les gaz de combat qui n'existaient pas en fait avant. Donc des gaz chlorés ou des gaz phosphorés. Le gaz moutarde. Par exemple, le gaz moutarde qui a été testé en fait en 1917 à Ypres. Pour ça qu'on parle d'Ypérite, du nom de cette ville. Et puis ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'autres types de substances de gaz, tels que le DDT, par exemple. Enfin, ce sont des produits qui vont être disséminés dans les combats, en fait. Le DDT, donc produit chimique qui permet de tuer des insectes. Et en l'occurrence, pour l'armée américaine, dans la guerre du Pacifique, il fallait lutter contre les moustiques, contre des maladies comme le typhus ou la malaria. Et ce DDT a largement été utilisé pour protéger les soldats, en fait, de ces moustiques. Les moustiques, d'ailleurs, étant assimilés aux Japonais, en fait, à la fois comme nuisibles, tels que les Japonais. Donc, destruction des hommes, destruction de la nature, c'est conjoint, en fait, durant ces guerres avec le recours aux armes chimiques. Oui, cette mise en parallèle entre la destruction de l'homme et la destruction de l'environnement est ce qui nous intéresse le plus quand on étudie ces guerres. Vous le montrez bien, Thomas Leroux, dans La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel, avec François Jarige. Ces guerres, et quand on parle du DDT, nous évoquent tout de suite une production nouvelle. Et ça, c'est au cœur de la question. Parce que ce qui a été utilisé avec le DDT pour tuer les petits insectes qui posaient problème a été réinvesti ensuite. Le moment de la guerre, la production liée à la guerre permet d'accentuer encore l'industrialisation du monde. On pourrait citer 1000 exemples, mais des avions, camions, à tous ces nouveaux produits, la guerre est essentielle pour l'industrialisation. Effectivement, d'une certaine façon, les guerres ont créé des trajectoires industrielles, en fait, qui n'auraient pas été celles-ci s'il n'y avait pas eu la guerre. Par exemple, prenons l'exemple de l'agriculture, de l'utilisation des engrais et des pesticides. Effectivement, l'exemple du DDT est le meilleur, en quelque sorte, puisque le DDT est utilisé comme gaz pour se prémunir contre les moustiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, a été recyclé, en quelque sorte, pour d'autres usages. Il faut savoir que, en fait, le DDT a été découvert par le Suisse Müller en 1938. Il a d'ailleurs eu le prix Nobel de médecine pour cela en 1948. Et que, en fait, il n'y avait donc pas de production de DDT avant. Et en 1945, quand la guerre est terminée, il y a 15 usines de DDT aux États-Unis qui fonctionnent avec des investissements très très lourds qui ont eu lieu et des stocks très importants de DDT. Donc il y a toute une réflexion pour savoir quoi en faire. Et finalement, la solution, ça a été de l'utiliser dans l'agriculture pour lutter contre les insectes. Mais le DDT n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'usage des produits de la guerre dans l'agriculture. Déjà, dans la Première Guerre mondiale, on a parlé du gaz moutarde et d'autres types de gaz de combat chimiques. Ces gaz, ensuite, ont été eux-mêmes réutilisés dans l'agriculture. Ce sont des gaz essentiellement à base des gaz ou des produits à base d'arsenic. Et qu'ils ont été utilisés comme insecticides également avant l'usage massif du DDT après la Deuxième Guerre mondiale. On pourrait penser à d'autres exemples, en fait, de gaz chimiques qui ont été utilisés. On peut penser, par exemple, aux engrais. Les explosifs utilisés pendant la Première Guerre mondiale, qui étaient à base de nitrate ou d'ammoniac, qui étaient liés au procédé Haber-Bosch, hein, qui avait été inventé juste avant la Première Guerre mondiale pour synthétiser l'azote de l'air pour en faire ensuite des explosifs. Donc, comme ça contient beaucoup d'ammoniac et de nitrate, c'était très riche en azote pour l'agriculture. Et donc, la plupart des engrais azotés que l'on connaît depuis 1940-45 et même un petit peu avant sont issus en fait des technologies guerrières. Thomas Leroux, on peut même aller plus loin en disant que l'état de guerre façonne même la consommation de masse, qui elle-même engendre énormément de pollution. Alors ça, c'est un autre aspect qui est en fait complémentaire, puisque les guerres ont en fait encouragé, elles ont stimulé certaines formes de production. Et comme pour les gaz ou pour les produits chimiques qui n'avaient plus d'utilité après la guerre, ces productions en fait ont été réinvesties dans la vie civile. Alors, c'est par exemple le cas de l'automobile, ce qui est évidemment, tout le monde connaît l'histoire des taxis de la Marne qui permettent de stopper l'avancée de l'armée allemande en septembre 1914. Mais en fait, avant 1914, l'industrie automobile, elle est embryonnaire, hein, elle concerne quelques riches personnes sportives qui veulent faire un peu de vitesse et faire du bruit avec leur moteur. En fait, les taxis de la Marne, c'est une façon de dire que ce sont les voitures, la motorisation en fait, qui a permis d'acheminer énormément de soldats sur le front et donc d'être très très efficace. Et la Première Guerre mondiale, en fait, a été le moment de création de l'industrie automobile. Renault, Citroën, qui existaient déjà avant la Première Guerre mondiale, en fait, mais ces petites entreprises deviennent des énormes entreprises. Elles ont été à la fois réquisitionnées pour construire des obus, par exemple, mais ce qu'on sait moins, c'est que beaucoup d'usines ont été construites pendant la Première Guerre mondiale pour construire des automobiles, des motos, des camions et des tanks, puisque le tank, hein, c'est une création de la Première Guerre mondiale. Pendant la deuxième, donc l'industrie automobile en quelque sorte, et les pollutions atmosphériques que l'on connaît, c'est un problème majeur de nos jours, avec 1 milliard de voitures en circulation, sont issues de la Première Guerre mondiale. On pourrait penser à l'aviation, qui a également décollé durant la Première Guerre mondiale, mais qui a en quelque sorte explosé durant la Deuxième Guerre mondiale. Avant 1939, en fait, l'aviation civile, c'est anecdotique. Après 1945, les progrès de l'aviation étaient tels que la reconversion vers le civil, en fait, a été imaginée et développée, d'autant plus que des infrastructures portuaires avaient été construites, des infrastructures gigantesques de guerre avaient été construites et qu'il fallait bien les réutiliser. Donc l'aviation civile est aussi un produit de la guerre. D'ailleurs, là, on parle de l'automobile, l'aviation, les grandes infrastructures de transport, mais l'automobile et l'aviation elles-mêmes deux secteurs qui ont besoin d'énormément de matériaux. Et par exemple, un des métaux les plus produits de nos jours dans le monde, c'est après le fer, hein, c'est l'aluminium. Et l'aluminium, en fait, c'est pareil, avant 1914, c'est un métal qu'on a du mal à produire et puis on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Et on se rend compte que l'aluminium, métal extrêmement léger, qui peut être très très fin, qui a beaucoup d'avantages, va être utilisé dans l'aéronautique. Et la production, alors encore jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ça reste très très faible, mais la Deuxième Guerre mondiale va être le boom de l'aluminium. La production d'aluminium est multipliée par 6 aux États-Unis entre 1939 et 1944. L'aluminium va équiper toute l'aviation. Et ensuite, c'est pareil, en 1945, qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces usines d'aluminium? Et elles vont être reconverties pour des usages civils, par exemple les canettes de Coca-Cola, par exemple, ou les devantures de magasins, ou tout matériau en aluminium. Alors, c'est un produit extrêmement polluant. Et oui, l'aluminium est polluant, mais c'est incroyable de vous écouter, Thomas Leroux, et de se dire que la guerre ne produit pas une pollution comme on pourrait l'imaginer avec juste un obus qui est laissé dans un champ, mais que c'est un chaînon gigantesque, en fait, qui est lié à l'ensemble de l'industrialisation. C'est assez asphyxiant, tout ce que vous nous racontez, donc je vous propose de faire un petit tour dans un paradis terrestre. 3, 2, 1... Il y a 31 ans, les ukulélés du Pacifique faisaient place au tonnerre de la bombe atomique. Le sable du Bikini était vitrifié par une lueur équivalente à celle de 10 000 soleils. Les États-Unis ont fait revenir sur l'atoll les 112 personnes qui en avaient été évacuées. Eh bien, elles devront repartir, car les médecins ont repéré dans leur organisme des produits radioactifs dangereux. Il faut dire que traverser une zone contaminée et y vivre sont deux choses totalement différentes. Une explication de Lucien Barnier. Si on revient dans une zone et qu'on s'alimente avec les produits alimentaires de cette zone, les végétaux, les animaux, alors là, il y a eu concentration de certains produits radioactifs dont la période est relativement longue. C'est le cas du plutonium, c'est le cas d'un certain nombre de radioisotopes dont la durée, la période est longue. Et en proportion même de la concentration, si on ne vit qu'avec les aliments provenant de cette zone, par conséquent, on absorbe des doses de radioactivité qui sont importantes. Interactualité 1978, un petit tour dans le Pacifique qui n'est pas si pacifique. Thomas Leroux, il y a quelque chose de paradoxal en plus dans le rapport de la guerre à l'environnement, c'est que parfois, étonnamment, les zones militaires deviennent des zones naturellement protégées. Ça, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que si on prend quelques cas, ce sont des micro-cas, mais c'est vrai que des zones de manœuvre sont des zones où la nature peut se développer. Il y a ce paradoxe quand même. C'est un paradoxe qui est en fait apparent seulement parce que il est vrai que certaines zones militaires donc protégées, interdites aux activités humaines, si ce n'est par exemple l'entraînement des soldats, vont en fait bénéficier du fait qu'il n'y a pas d'autres activités humaines, donc pas de ville qui se construit, pas d'industrie, etc. Donc l'empreinte des activités humaines peut être un peu moins fort dans certaines zones, mais bon. Mais bon, voilà, c'est là-dessus que je veux aller. Ce sont des exceptions. Et puis, si on regarde en réalité ce qui se passe dans ces zones-là, il y a toujours cette pollution larvée. On a écouté le cas des zones d'essai nucléaire. C'est vrai qu'on ne voit pas la pollution. C'est peut-être ça, en fait, la limite de cette pollution liée à l'industrie militaire. Exactement, c'est aussi l'exemple de Tchernobyl qui était une centrale nucléaire civile, mais qui est maintenant une zone contaminée tout autour de la ville de Pripyat, où on a pu constater un renouveau de la nature, par exemple, du fait de l'évacuation des hommes, en fait. Donc moins d'activité humaine et la nature reprend ses droits, sauf que la pollution y est invisible. Elle peut être mesurée qu'avec des appareils extrêmement perfectionnés et à l'œil nu, en fait, ce n'est pas très très tangible. L'exemple de Bikini dans le Pacifique, on pourrait aussi parler de Mururoa pour les essais nucléaires français, en fait. Là encore, une technologie développée pendant la guerre, puisqu'elle découle du projet Manhattan 1942 et donc de la création des bombes nucléaires qui ont explosé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là encore, une reconversion ensuite vers le civil, puisque effectivement, ces technologies ont été ensuite développées et améliorées du point de vue militaire, mais surtout, elles ont permis ensuite de construire des réacteurs nucléaires pour la production d'électricité. Et on en voit à la fois des contaminations diffuses, avec des problèmes multiples dans un grand nombre de centrales nucléaires, un risque technologique évident, et puis des accidents majeurs dont on a quelques exemples dans l'histoire récente. Thomas Leroux, c'est important tout ce que vous dites, parce que c'est vrai que d'un coup, on se rend compte que la guerre ne fait pas des dégâts qu'au moment de la guerre. Elle a des prolongations, ça, certains vont dire oui, mais on s'en doutait, mais quand on décrypte l'ensemble, on se rend compte que c'est presque toute notre société qui est liée à une vision guerrière, cette industrialisation liée à la guerre, cette matrice terrible de toutes les pollutions. Je vous propose d'aller faire un petit tour en Papouasie-Nouvelle-Guinée, juste après, avec Nicolas Rouillet, mais en attendant, nous allons respirer avec Cat Power pour un album, écoutez bien, enregistré, elle est seule dans la nature. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Power, qui a enregistré en pleine nature son album Speaking for Trees, parler pour les arbres, ça fait du bien d'entendre de la vraie nature dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Nicolas Delmas. Et je me tourne vers vous Nicolas Rouillet, vous êtes écrivain et vous avez tiré de vos différents séjours en Papouasie, vous allez nous expliquer ce pays, cette zone, cette île, ce monde complexe que nous ne connaissons pas. Papou, ça nous évoque des choses, surtout sur France Culture, quand ils sont dans la tête. Mais c'est vrai, quand on dit les Papous, on imagine quelque chose. Vous, vous y avez été et vous en avez fait un ouvrage, Timica, un western Papou. C'est le sous-titre aux éditions Anacarsis, c'était en 2018. Dites-nous tout de suite, où sommes-nous avec votre roman, Nicolas Rouillet ? Alors, nous sommes en Papouasie-Occidentale, qui est se situe dans c'est l'île de Nouvelle-Guinée, qui est au nord de l'Australie et à l'extrémité est de l'archipel indonésien. Et cette très grande île est coupée en deux. La moitié est, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est un État indépendant depuis 1975, alors que la moitié ouest est une province indonésienne depuis les années 60. Et c'est en fait un territoire qui est occupé par l'Indonésie et qui revendique son indépendance. Et ça, c'est un de ces nombreux conflits liés à une décolonisation particulièrement ratée, où au départ des Hollandais, l'Indonésie s'est arrangée pour mettre la main sur ce territoire et faire avaliser ça avec un référendum truqué qu'a validé l'ONU. Mais en tout cas, c'est une province disputée. Et nous sommes donc en Indonésie, enfin sous domination indonésienne. Et vous vous êtes intéressé à Timika. Pourquoi Timika ? Pourquoi c'est une ville essentielle pour vous ? Alors Timika, c'est une ville qui se situe sur la côte sud, qui est... Il n'y a pas beaucoup de villes en Papouasie. Celle-là est assez importante. En fait, elle est née avec une mine d'or qui se situe dans les montagnes à 4000 mètres d'altitude. Une mine qui est gérée par une compagnie américaine, Freeport. Et qui, donc cette ville est née des besoins de la mine, c'est-à-dire un aéroport, puis des équipements, etc. Et s'est développée. Et aujourd'hui, c'est une ville qui fait plus de 150 000 habitants et qui croît très rapidement. Nicolas Rouillet, votre livre, votre roman, Timika, est sous-titré « Western Papou » et nous allons écouter un extrait lu de ce livre et on comprend tout de suite pourquoi nous sommes dans le western. La source de toute cette souffrance était l'or que Dieu avait placé dans les montagnes pour leur malheur. Sans l'or, jamais les États-Unis et Freeport ne se seraient intéressés à la Papouasie et l'Indonésie n'aurait pas envoyé l'armée pour protéger les biens américains. Sans l'or, les Indonésiens ne débarqueraient pas chaque semaine par centaines, par milliers pour faire fortune. L'or les rendait tous fous, migrants comme Papous. Son peuple, qui des décennies plus tôt vivait fièrement en ignorant l'argent, rêvait à présent de devenir riche. Les jeunes qui avaient étudié se battaient pour se faire embaucher par la compagnie américaine. Les autres se battaient pour récupérer de l'or dans les rejets, comme des cancrelats autour des ordures. Son propre fils passait ses journées dans la rivière pour en extraire cette poussière jaune qui lui filait entre les doigts et lui brûlait la cervelle. Et voilà que les larmes se mirent à couler pour de bon. C'est un extrait de Timica Western Papou de Nicolas Rouillet, lu par Olivier Martineau. Et Nicolas Rouillet, vous êtes là. Toujours agréable d'entendre son livre quand il est bien lu. Ce western papou, on comprend la similitude, la comparaison hein, que vous faites avec ce qui a pu se passer aux États-Unis, avec tous les Indiens qui se sont fait déposséder de leurs terres, simplement au moment de la ruée vers l'or, avec cet afflux de population qui, en fait, n'a qu'une envie de s'enrichir et qui met de côté toute autre considération, l'environnement, bien sûr, et l'humain aussi. Oui, c'est le. En fait, ce qui saute un peu aux yeux, hein, c'est il y a une mine d'or. C'est la plus grande mine d'or du monde, la, aussi la troisième mine de cuivre. Donc c'est assez gigantesque. Il y a l'armée qui protège les installations et les personnes. Et puis il y a une population autochtone qui a été spoliée de ses terres et qui est réprimée quand elle revendique ses droits. Et puis, il y a aussi des milliers d'orpailleurs, il y a de la prostitution. Donc, c'est vraiment l'univers du Far West tel qu'on peut l'imaginer. Pour les gens qui vivaient là-bas, les papous qui nous fascinent, on a évidemment un changement complet de mode de vie. C'est quoi le mode de vie d'un papou? Parce que vous avez été là-bas, vous avez vu, vous avez observé avant d'écrire. Qui sont ces papous? Là, il y a de très très grandes différences. Déjà, les papous ne constituent pas un peuple, ils sont 250 tribus, avec de grandes différences selon qu'ils habitent dans la montagne ou dans la plaine. Il y a de moins en moins qui mènent un mode de vie traditionnel parce que leur environnement est très menacé et ça devient de plus en plus compliqué. Et puis, il y a toute une population qui vit dans les villes, notamment à Timica. La mine a joué un rôle dément, c'est-à-dire à attirer des papous de toutes les régions. Et après, en fait, devant les problèmes que ça a généré, Freeport a demandé à l'armée de les évacuer. Donc dans les années 70, beaucoup ont été envoyés dans la plaine, et c'est ce qui explique aussi la croissance de la ville de Timica, et ce qui a généré d'autres problèmes, parce qu'en fait il y a des antagonismes entre tribus, et à Timica se sont retrouvés, des tribus ennemies se sont retrouvées voisines. Donc aujourd'hui il y a des guerres tribales qui perdurent en ville. Nicolas Rouillet, dans Timica, vous expliquez très très bien comment justement les structures sociales des papous sont brisées et comment l'industrie, la mine, Freeport, réussit à manipuler tout le monde, on va dire, avec des schémas très classiques, mais en reversant un petit peu d'argent à des gens et dans des structures sociales brisées, tout de suite, l'argent part dans l'alcool, par exemple, parce que c'est une manière classique qui a toujours été utilisée pour briser les gens. Et puis, d'une autre manière, et là c'est visuel, c'est quotidien pour tous ces gens-là, c'est le changement de leur environnement, de leur paysage, c'est tout simplement la pollution en Papouasie, un extrait d'Envoyé spécial de 2014. Aujourd'hui encore, nous avons du mal à réaliser ce que nous avons vu ce jour-là. Assis dans cette barque, en compagnie de Maman le pêcheur, nous avons flotté des heures sur ce tapis d'ordures. Avec la chaleur et l'humidité, l'odeur est pestilentielle. Avant, il y avait beaucoup de poissons et ça nous suffisait pour vivre. L'eau était propre. Maintenant, il n'y a plus de poissons du tout. La rivière, c'est devenu une poubelle. Nicolas Rouillet, vous avez été voir en Papouasie-Occidentale ce qu'il se passait. Vous l'avez constaté également, cette pollution. Bon, là déjà c'est un Indonésien, c'est pas un papou. C'est pas, disons, la pollution qui vient le qui saute le plus aux yeux. Celle de la mine est bien bien plus évidente. Quand on arrive en avion à Timika, on voit, alors qu'on survole pendant une très longue durée de la forêt avec des rivières qui sinueuses, couleur café au lait, quand on arrive à Timika, c'est une plaine grise où la végétation est complètement morte, et ça, ce sont les rejets de la mine. C'est-à-dire Freeport déverse tous les résidus de concassage de la roche directement dans la rivière. Donc c'est pas une mine comme on peut voir au Brésil par exemple, où on utilise du cyanure pour extraire le métal, et il y a des bassins de stockage qui parfois rompent et créent une pollution. Là, c'est directement rejeté dans la rivière, et ça représente c'est absolument colossal, hein, c'est 300 000 tonnes par jour. Donc il faut s'imaginer un camion de 30 tonnes, 10 000 camions par jour qui déversent dans la rivière. Donc ça, c'est peut-être la pollution la plus évidente. Après, il y en a d'autres, avec toutes les roches qui sont extraites et mises à l'air libre et à la pluie, créent des écoulements acides qui polluent là pendant des centaines d'années. Oui, c'est ça, c'est le temps qui est intéressant dans votre travail, hein, Nicolas Rouillet, dans Timika. C'est que vous avez fait œuvre d'historien, j'ai envie de dire, c'est que vous avez regardé, vous avez étudié où on était, ce qui s'était passé. Et c'est vrai que c'est sur le temps long qu'on doit comprendre cette situation-là. C'est sur le temps long d'une forme de domination, parce que vous insistez vraiment beaucoup là-dessus. Cette double domination, la domination militaire et puis la domination de l'industrie également, qui abîme l'ensemble de cette île. Bah, Freeport, en fait, est dès l'origine... à l'origine de la colonisation indonésienne, il y a, on peut dire, Freeport. Henry Kissinger faisait partie du conseil d'administration de Freeport, a beaucoup influé. C'est le premier contrat que Suharto, qui n'était pas encore président, a signé avec une compagnie étrangère. Donc Freeport est là depuis le début. Et en fait, pour les nouvelles générations, Freeport, c'est... Freeport, c'est les routes, c'est les hôpitaux, c'est les supermarchés, parce qu'il y en a. Donc Freeport, c'est une présence qui dure, hein, c'est Freeport pallie aux déficiences de l'État. Donc Freeport est à la fois la cause de tous les maux et en même temps l'espoir, parce que c'est aussi peut-être l'espoir d'un emploi bien rémunéré ou et de gagner un peu d'argent. C'est ça qui est important, c'est que on a le quotidien des gens. Il faut bien manger, il faut bien vivre, et quand il n'y a plus rien et que tout est détruit, on va là où on nous propose des choses, même si cela nous détruit. C'est ce saccage écologique aussi que vous évoquez, Nicolas Rouillet, dans Timika. On écoute un autre extrait de votre livre, lu par Olivier Martineau. Mama Yoliana, secouée en tous sens par les chaos, serrait les mâchoires pour ne pas laisser échapper une plainte. Son dos la faisait à nouveau terriblement souffrir. À travers la vitre sale, elle observait en silence le triste spectacle qui s'offrait à ses yeux. Entre les digues, s'étalait une immense étendue grise, d'où perçaient de rares troncs noircis aux branches atrophiées, comme des pattes de cassoar calcinées. Paysage désolé, sans vie, au milieu duquel s'éparpillait en filets dérisoires la rivière Ashkwa. C'était, songea Mama, le nouveau visage de leur terre, un sillon de larmes sur une peau desséchée. Freeport refusait d'admettre que les rejets de la mine avaient empoisonné l'eau, mais il suffisait de regarder par la fenêtre pour s'en convaincre, ou de cuire le riz à l'eau du puits. Le lendemain, il devenait noir. Mama savait également que dans les villages côtiers, de nombreuses femmes faisaient des fausses couches ou ne parvenaient pas à avoir de bébés. Si elles consultaient à l'hôpital, le planning familial indonésien les prenait en charge et elles n'auraient plus jamais d'enfants. Tout cela faisait partie du grand plan de l'Indonésie pour éliminer les peuples papous, auxquels collaborait Freeport. Nicolas Rouillet, dans Timika, vous faites œuvre d'historien, je disais, c'est-à-dire que vous essayez de comprendre pourquoi on en est arrivé là, très bien. Mais il y a aussi œuvre de mémoire. Vous y tenez, ça se sent en vous lisant, c'est-à-dire ce souvenir

L'industrie ne peut être mise en cause, on n'arrêtera pas les usines. Par contre, on concède à partir de ce jour-là une alerte météo, une alerte pour nous dire que la nature s'apprête à sévir. Attention à la nature, brouillard toxique d'Alexis Zimmer, c'est aux éditions Zone Sensible. Merci Anaïs. Thomas Leroux, vous êtes auteur donc de La contamination du monde avec François Jarige. En fait, c'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à nous dire c'est la faute à la nature, mais c'est vrai que dans l'ordre des priorités, l'environnement passe souvent derrière, alors que les conséquences sont terribles. Oui, en fait, il y a un processus de naturalisation en fait de l'industrie dans nos sociétés. C'est un processus qui est long puisque on a vu que ses racines, on pouvait les trouver au début du 19e siècle ou à la fin du 18e siècle, mais progressivement, en quelque sorte, l'industrie est devenue en fait un phénomène social tout à fait naturel. Et la nature est devenue justement tout ce qui pouvait devenir accidentel ou traumatisant. Et donc il y a une espèce de renversement des relations que les hommes entretiennent avec leur environnement par l'industrialisation, avec des pics exacerbés lors des guerres ou sur des sites comme les mines dont Nicolas Rouillet nous a parlé. Parce que ces mines, on en retrouve quantité d'exemples à travers le monde et à travers l'histoire. Voilà, la nature est notre ennemi, il faut faire attention, c'est ainsi qu'on nous a présenté bien souvent le monde et l'industrie ne peut que sauver l'humanité. Oui, mais ça a l'air d'être un petit peu le contraire. Merci beaucoup Thomas Leroux, merci beaucoup Nicolas Royer. C'était Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès et Camille André. Merci Le cours de l'histoire qui peut être réécouté en podcast toute la semaine sur l'homme et son environnement ou sur le site internet franceculture.fr.